Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, il est là en forme. Ouais. Depuis la sortie de du EP à l'abri. Ouais, grave. Qui est dans les bacs depuis quelques semaines maintenant. Depuis le 19. Depuis le 19 mai. Ça va, Giorgio ? Ouais, ça va à fond et toi ? Bah écoute, ravi de te recevoir. Ouais, ça me fait plaisir. Une fois de plus dans cette nocturne 100% rap français. On va rappeler que t'es parisien. Ouais. Que t'as déjà sorti quelques projets. Il y avait eu Mon Prisme qui était sorti. Ouais, Mon Prisme. Soleil d'hiver. Soleil d'hiver. Et puis là, à l'abri, c'est pareil, même principe, un EP. Ouais, un EP, il y a 8 titres. On peut le télécharger légalement, hein, je précise, allez-y, ça marche fort. Ça va, t'es content, ouais, premier bilan après quelques semaines de sortie. Bah c'est cool, les retours, ils sont bons et tout, ça me fait plaisir, même au niveau des ventes, c'est cool, c'est chambé. Bon, envoyez des messages à Giorgio avec le hashtag Giorgio sur Skyrock, vous les balancez, ça arrive direct dans le studio, c'est toi qui prends le contrôle de la nocturne pendant une bonne heure. Ouais, ça va être chambé, on va pouvoir freestyle, je suis venu avec des refrais et tout. Je vois qu'il y a du monde, tu veux les présenter maintenant, vas-y. Hein. Bah ouais, bah il y a la 75e session, Sheldon, Limsa, Sanka, FA2L, Népal, et le poteau Benil Bruni aussi, Kéal. Eh bah très bien, donc on écoutera tout le monde, ça va bien, tout le monde en forme. Ouais, ok. Ouais, ça va, c'est cool, hein. Prêt pour le live, il y aura un gros live tout à l'heure, là, qui durera 15-20 minutes. Et on a une grosse semaine en plus, ça, je sais pas si t'as entendu avec l'entourage. Ouais, c'est charmé et tout, leur album, il défonce en plus. Jeunes entrepreneurs, on a une belle semaine, on passera tout à l'heure des morceaux de jeunes entrepreneurs, mais là, on va consacrer une heure à Giorgio pour le découvrir. Ceux qui connaissent pas aussi, c'est parti, coup d'envoi. Ouais, coup d'envoi, on va mettre le morceau à l'abri, hein. Titre éponyme de l'EP. On va se faire bien. C'est parti, balançons à vous faire. À l'abri dans les bacs, depuis le 19 mai. 7-5 putain de cesse. Hugues à la prod. Bang! Les plus grandes blessures, nos mères, c'est nos erreurs. Et le soir, on s'embrouille. Ouais, tout part en couille. J'ai pour seule preuve mon cursus scolaire. C'était du sale, des potes ont du viscère pendant les années au lycée. Regarde nos casiers judiciaires. C'était l'époque des amis déguisés. C'était pas facile chez nous, y'avait autant d'amour que de cris. En bas les schlags me faisaient stresser. On se prenait pour Al Pacino pendant que ton futur amour en boîte se faisait frotter. Moi je traînais avec mes chiens de la casse, mes anti-M et lions de l'Atlas. Ma mère voulait pas les voir, à la maison y'a pas de place. Et tu sais ce que c'est que vivre à trois dans un deux pièges. J'ai 21 ans, j'laisse parler ma chance. J'ai tiré avec un flingue sur ma jeunesse. Y'avait Jules et Mounir, pas de filles dans l'équipe. Pas de chichi, ouais tout dans les tripes. On voulait faire des thunes et puis mourir. Des plans de cambriolage finalement jamais fait. J'en vis pas ma vie d'avant, mon grand ça sent la défaite. Little au placard, Jida au placard, 9-3. Yannis Leila posé dans une voiture garée. On raconte la journée, la routine. Et moi, tous les jours, je fais grimper, ça me bousille. Des couples grattés dans ma chambre et des faces B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt. J'ai mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dis à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Des couples grattés dans ma chambre. On se met à l'abri, la mif. Bang! Je suis tout prêt. J'ai mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dis à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Le checks avec Vesti et Saria Scan, le petit fait ça, l'amour. Les yeux revolver, 5 ans après, j'esquive, c'est pas les 3 femmes de ma vie, tu les connais. Ma mère, Salomé et Anissa, pardonnez-moi la trix, mal alcool comme solution hardcore. Encore un pote qui tombe, de la faute à pas de vol. J'ai oublié mes résolutions musclées grâce à mes 5 étages. Rembarré. Les briques de lait, oublie jamais son. Si un jour je déprime de trop et qu'un asile me perce. Je grattais dans ma chambre et des faces B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt. Je vais de mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été. Je suis sur scène et ça me délivre. Dis à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Je grattais dans ma chambre et des faces B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt. Je vais de mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été. À l'abri dans les bacs. Je suis sur scène et ça me délivre. Dis à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Loin des fins, des soucis. Loin d'être mal et tout petit. Ah ouais, c'est grave. J'étais allé chez mes gars et je passe mon temps avec le rap. On se bousille. Tous mes sauces. T'inquiète grave, appel sur mes deux portables. Mais je ne réponds qu'à mon statut d'irresponsable. Je m'endors dans des trains en Île-de-France. J'ai tissé ma toile. Et pour éviter la bague, on rentrait dans des ciné par derrière. La ville comme seul adversaire. Avec mes amis, mes frères que j'ai perdu pour la plupart au fil des anniversaires. Personne me dira la tabu. J'étais un petit démon. Assez bon pour retarder ma première garde à vue. On l'a pas dit au reste de la famille. Je leur ai fait la guerre et je m'en veux. Aujourd'hui je fais des envieux, mais je les mets à l'abri. Je dans ma chambre et des faces. C'est pour les miens, pour les tiens, enfoirés. À l'abri, Giorgio dans la nocturne. Dis à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Des couplets grattés dans ma chambre et des faces B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt. Je vais de mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dis à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Yeah. Pour tous ceux qui n'ont pas trop de cartes dans la manche, mais qui ont les bonnes. Yeah. Je suis né un 21 janvier, enfoiré. Blackjack, what a fou. J'ai arrêté de faire des promesses, malheureusement je m'y tiens tellement peu. Autant surprendre les miens, quitte à faire long feu. Je veux surtout pas croiser le plus malin des traîtres. J'ai déjà assez de soucis, y'a clap de sang, cac et vert. Fini les choix, je prends d'assaut le jardin d'Eden. Chez moi si t'as pas d'espoir, t'es comme un jean sur un bon pain, tu ferais je t'ai foutu. Chaque jour la vie m'offre ses problèmes. Trop d'obstacles, mais je prends le mic, je serai en scène jusqu'à mon éternel sommeil. Car dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, j'ai confiance dans mon étoile et mon destin. Ouais dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, je compte sur mon blackjack et sur les miens. Dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, j'ai confiance dans mon étoile et mon destin. Ouais, dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, j'joue sur mon blackjack, il se malin. Sans but j'ai toutes les classes sociales, j'ai les plus pauvres, ils te disent passe au bar. J'te croise au PMU, tu te fais servir ta bière par le jack. Mais j'insulte pas à scène, mais son business c'est quand même dingue. Alcool et cigarettes, les plus faibles du room, c'est un grand médecin. J'me tue à vous dire que mes gars fument et vous oubliez. Maintenant sont obligés d'arrêter pour fuir la routine. Autant perdre tes proches, ta tête nique la philo de pierre des proches. T'auras plus qu'à prier les dieux secrets comme Perséphone. Quand on arrive là c'est grave, ah oui, ouais ouais. Moi je sais que Paris s'écrase la nuit, ouais ouais. J'habite depuis longtemps, j'ai vu le crack détruire des gens et le désastre quand la famille a les larmes. Car dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, j'ai confiance qu'à mon étoile et mon destin. Ouais dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, je compte sur mon blackjack et sur les miens. Dans ma boîte j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, 25-16, Benny Bruni, Giorgio, mais je suis né un 21. Sur mon blackjack, ils sont réussis. Dehors c'est chaud, des tas d'obstacles. Mais mes petits frères sont polis, tournent en rond comme le camion glace ou les sirènes de police. Souvent privé d'Xbox, un adjo, football, physique plus mental, un technicien avec les idées de cible. Ouais, ouais, ouais. Tu peux m'appeler Giorgio ou Stouze qui n'a pas les poulets. Tu peux me lever au champ du coq, ouais, si je personne. Et si je bétonne, faudra des prods pour que je gratte des couplets. Je peux pas survivre sans mettre des mots sur ce monde enculé. Je vais pas me porter l'œil ni forcer le destin. On se détruit la santé pour le bif. Moi je veux du bif pour me refaire une santé de parrain. On vit dans le mal. 21 grammes compare le prix de ta drogue à mon ami qui est dans le prix. Ouais, chez l'âme. J'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, j'ai confiance qu'à mon étoile et mon destin. Ouais, dans ma boîte, j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, je joue sur mon blackjack et sur les miens. Dans ma boîte, j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, j'ai confiance qu'à mon étoile et mon destin. Ouais, dans ma boîte, j'ai pas trop de cartes, mais je suis né un 21. Blackjack, je joue sur mon blackjack et sur les miens. Encore un autre morceau de l'EP. Depuis le 19 mai dans les bacs, à l'abri. M'amène Dooms dans les locaux. Bang! Avant que je commette une mutinerie envers ma propre personne, offre-moi une dernière soirée funeste. Avant que je me rebelle contre l'homme que j'aurais dû être. Décharge mon stylo et mon flingue est une énigme. Je suis le petit prince de la famille Edouard, pas de Saint-Exupéry. Ne pas croire au destin serait du délire, moi qui écris tous les jours. Saleté de rap, comme j'aurais pu vivre, saleté de chic sous les tours. On a nos torts, on a notre fierté. Sans le chèque, y'a jamais trop de zéro. Avec ma bande, on s'appelle frère, on est les fils de Dionysos. Je me bats sans savoir où ça mène. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre. Donc j'accélère, papy, avec un air arrogant. Je conduis sans permis, une féfée rouge qui suit des drapeaux blancs. Le vent levé, les yeux bandés. Je me bats sans savoir. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre. J'accélère papy avec un air arrogant. Je conduis sans permis, une féfée rouge qui suit des drapeaux en blanc. De ta bonne drogue, rien nous calmera. On a grandi comme des loups, un petit bourge qui suit les cours à la Sorbonne. Rac-moi à la prod. Avant de disparaître dans le cri d'une femme, le souffle court, pouvoir m'ivrer, être plus que nu à l'abri des regards. Ça parle de romance, se ressusciter. Mais mon passé est illicite, le rap est très difficile. Ça pue la violence et l'air créé, la malchance et l'échec. À des années d'une vie biblique, je suis à des millénaires. Détrompé avec moi-même, je me lève vers 9h, détrompe-toi. Je suis déréglé avec la terre et méché. Je rentre dans le moule, sans rancune, sans embrouille. J'entends plus le sang qui coule, faut donner un sens à tout ça. Quand je rentre chez moi, dans un quartier dissensible, nos ancêtres sont pas gaulois et c'est pour ça que tu les licencies. On a notre temps, on a notre fierté sur le chèque. Y'aura jamais trop de zéro, avec moi bande on s'appelle frère. On est les fiers de Dionysos. Le point levé. fais les yeux bandés, je me passe sans savoir où ça mène. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre, donc j'accélère papy avec un air arrogant. Je conduis sans permis, une féfée rouge qui suit des drapeaux blancs. Le poing levé, les yeux bandés, je me passe sans savoir où ça mène. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre, donc j'accélère papy avec un air arrogant. Je conduis sans permis, une féfée rouge qui suit des drapeaux blancs. J'ai pas choisi d'être ici, ni de piller Vélizy. Pour tous les mecs du 7-8, sur l'intérêt de vivre vieux, on comprendra mort, t'es Friggy Nietzsche. À l'instar des autres, tu es unique, à la sable et vôtre. Je suis mes instincts marginaux et fauve. Et si tu pries, prie pour qu'on se rappelle de moi, qu'on ait de quoi se défendre, se détendre. Prie pour tes proches et surtout prie pour qu'ils arrêtent de boire. Et chill en notre temps, rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu. Je voudrais avoir la foi de ma mère, qui est heureuse comme un vendeur d'armes, moins con que la guerre. Malheureusement, nous c'est les doutes et les coups de blues versés par des problèmes de fric, des histoires de thèse. On a des raisons pour des colères stupides, apesées par la drogue et malmenées par la prog. Les soupirs d'une mère fatiguée à la l'abri dans les bacs. On a nos torts, on a notre fierté. Sur le chèque, y a jamais trop de zéro. Avec ma bande, on s'appelle frère, on est les fils de Dieu. Les poings levés, les yeux bandés, je me bats sans savoir où ça mène. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre, donc j'accélère papy avec un air arrogant. Je conduis sans permis, une féfée rouge qui suit des drapeaux blancs. Le poing levé, les yeux bandés, je me bats sans savoir où ça mène. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre, donc j'accélère papy avec un air arrogant. Je conduis sans permis, une féfée rouge qui suit des drapeaux blancs. Mon gars Little Rooster au platine, m'amène Jabi, voilà. 7-5-16, à l'abri dans les bacs. On va sur iTunes, où tu veux, m'amène. Partout. On va se mettre l'air. Après, ça va peur, t'inquiète même pas. C'est la nocturne et c'est Giorgio au contrôle de la nocturne ce soir. Il est là, tous les messages, t'as vu comme ça défile. Ouais, ça me fait super plaisir. Le hashtag Giorgio sur Skyrock, allez-y, vous le balancez, vous envoyez les messages pour Giorgio à l'abri. C'est dans les bacs depuis le 19 mai. Ouais. On peut le télécharger légalement, il y a 8 titres. Allez-y, c'est le moment ou jamais de découvrir Giorgio. À fond. Un petit point, toi tu viens de Paris, 18ème, hein, c'est ouais, ça. Ouais, Paris 18ème, Max Dormois, La Chapelle, Porte de La Chapelle, tout ça. C'est là où t'as grandi? Ouais. C'est là où t'as commencé à rapper? Ouais. Avec des potes, tu vois, moi je suis pas trop non plus attaché au quartier, tu vois, c'est-à-dire j'ai fait mes armes partout un peu. Un petit peu partout? Ouais. Et puis là, donc ça commence à bien marcher aussi pour Giorgio, venu ce soir avec la 75e session, ils sont là aussi. Ouais, là, yes, yes, mes frères d'armes. On les retrouvera tout à l'heure en live avec te, avec tout le monde. Avec tout le monde, bah ouais. Et rappelle-nous aussi pour te suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent te découvrir. Bah, mon Facebook, c'est donc facebook.com/GiorgioXV3, GEORGIO XV et le chiffre 3 pour le 18e. Et Twitter, c'est pareil, GiorgioXV3, Instagram, GiorgioXV3. Et YouTube, GiorgioXV3. Voilà, pour suivre Giorgio, on découvre des extraits d'À l'abri. Ça, c'est le dernier projet qui est dans les bacs. Ouais. Allez chercher, allez trouver les sons de Giorgio. On part pour une session de 3 morceaux. Bah, vas-y, hein, grave. C'est quoi, on va commencer par un morceau qui s'appelle Je respire, qui était juste sur la précommande iTunes. Mmh. Donc, vas-y, on va pouvoir prendre un bol d'air de bon rap ensemble et respirer, même si t'as pas précommandé. Allez, c'est parti sur Skyrock. Yes. 100% rap français, planète. Aïe, mon frérot Jabi à la prod. Yeah. À l'abri dans les bacs. Dis-le. Voilà. Amoureux de jolies formes qui parcourent mon corps. Je rêve de faire l'amour sur des jolies plages. Écouter des coquillages et l'insomnie n'est pas tuée. Alors je dors pas malgré les envies de m'évader. Je pleure de haine pour ne pas flancher, traîner dans la hure. Et mon seul remède, je roule avec mes potes histoire de diminuer mes chances de perdre. Il m'a fallu 20 ans pour découvrir mon état psychique. Moi qui dans ce bonheur restera si triste. Hey, ma Cléopâtre habite pas sur le palier. Non. Ou alors c'est mal réincarné. Les petits me parlent de pute, je leur parle d'amour, mes relations et j'espère sans mal parler. Je fais mon chemin. Telle une larme qui nique tout sur ton fond de teint. Avec un peu de lâcheté, t'as vu cette arme à feu sortir d'un train. Les jeunes s'éveillent dans l'adultère, s'émancipe avec une femme mature. Un peu pervers, un peu perdu et je respire. Mis dans un lit face à cette jolie femme, j'apprends à me connaître parmi les cris écoutés. Elle travaille sur moi, sur ma façon d'apprendre le stress ou de trouver le sommeil. C'est le milieu d'un cercle, j'apprends à conjuguer le pluriel et je respire. Respire. Face à cette jolie femme, j'apprends à me connaître parmi les cris écoutés. Elle travaille sur moi, sur ma façon d'apprendre le stress ou de trouver le sommeil. C'est le milieu d'un cercle, j'apprends à conjuguer le pluriel. Respire. Toute ma vie, j'entends pas, je rêve du haut de l'affiche et de la faire danser toute la nuit. Je vais être son modèle, pas ses craintes, un homme idéal par défaut. Qu'elle oublie pas mes fautes, mais qu'elle parle plus loin, pas c'est simple, non. Je suis pas passé pour une victime. réfléchis, mes complexes d'infériorité. Je suis grappé sur du vide, de quoi tu parles. Les studios, les mix, ça prend du temps. Deuxième projet dans les bacs. Je rase pas que du vent, c'est facile de sourire. Mais mon âme est folle et je suis anxieux. Pire cette mère famille qui voit que son fils rentre pas de l'école. Viens chez moi, on échangera dans le silence. On restera en dehors. Sache qu'on t'aime, mais comme toi non plus, on t'emmerdera encore. Somnol dans des états de malade chez nous. T'es hanté ou enterré par la poisse. Heureusement, j'ai mon échappatoire. J'avoue le fait de me perdre dans des livres sans fin. T'es bouleversé par mes doutes que tu retrouves dans mes lyrics sans fin. Pire, lui dans un lit face à cette jolie femme. J'apprends à me connaître parmi les cris. Écoute, je travaille sur moi, sur ma façon d'appréhender le stress ou de trouver le sommeil. C'est le milieu d'un cercle, j'apprends à conjuguer le pluriel et je respire. Face à cette jolie femme, j'apprends à me connaître parmi les cris. Écoute, je travaille sur moi, sur ma façon d'appréhender le stress ou de trouver le sommeil. C'est le milieu d'un cercle, j'apprends à conjuguer le pluriel. Viens écouter tous mes soupirs. J'aimais prier dans mes souvenirs, je me reconnais plus. Non, c'est pas moi qui devrais souffler devant ces bougies. Je veux pas savoir si j'ai été enfanté sur un lit ou sous des litres d'alcool. Je me pose à trop de questions qui t'empêchent de danser sur mes disques, ouais. Danser sur ma musique ou crever sur mes paroles. Des solutions, choisis la bonne. Le choix est irréversible, c'est l'effet d'une bombe. Mais là c'est trop, j'ai besoin de changer d'air. Que la trappe propose en paix sur une frotte de diabète. Mais là c'est trop, j'ai besoin de changer d'air. Ouais là c'est trop, j'ai besoin de changer de sphère. Mais là c'est trop, j'ai besoin de changer d'air. Ouais là c'est trop, j'ai besoin de changer de sphère. Mais là c'est trop, j'ai besoin de changer d'air. Ouais là c'est trop, j'ai besoin de changer de sphère. On vous voit. Et dans ce putain de rap jeu, j'ai pas de sosie. Si je te gifle en live, tu pourras pas dire que c'est une autre personne. Et toi non plus, t'en as pas. Tu seras obligé de l'avouer. Bang! Toujours Uxa à la prod. Putain de choses. 18e 1-1. Ouais, le paradis existe, mais avant que la mort t'emporte. Sors-toi de la tempête du vice, du monde de la vente de drogue. Oh fuck up, les potes ont prisonné. Ouais, ouais, moi je suis tout dans le rap, un bic en guise de pistolet. Mais faut faire les choses, malgré mes gros défauts, j'ai aucune peur de marcher dans les checks. T'as vu la lune, seul je viens la décrocher. J'ai rappé dans des caves comme j'ai rappé dans des fêtes. J'reste bien sapé en l'air, gâte à les habitants. Genre, je suis Skyrock en TT, faites plaisir les miens. Je traîne ma poisse et mon vieux Lacoste. J'avoue, je garde la classe et je mets les vieux d'accord. C'est textuellement pire. Je fais passer les mesures, impossible d'arrêter le truc. Tu sens la chatte et les thunes. C'est pire qu'un mytho de chapelet. Moi, ça sent le crack et les putes. À Maxdo, on a de quoi armer tes gus. Évite ton pouvoir, allez. Quoi? Tu prends le mic, tu casses des gus. Ouais. Tu rentres en boîte, t'éclates des gus. Ah. Sinon, pour que t'es pas négatif. T'es garde à vaison, on dit au revoir. À tes gaves, à tes fausses blondes, même son sans table, des tatas, des ghettos de l'ombre. Sans le pare-balles, la France est un pays raciste. Non, l'oncle Sam n'est pas un fidèle ami. Ah oui, j'arrive pas ni. Le 8 novembre, divan du monde. Du 16 avec 3-10 grammes, on m'a dit quoi. Avec 100K rooster, Javi 7-5-16. Et avant que tu rimes comme Rakim ou que tu pèses comme le boule de la fouze à Jay-Z. Parce qu'on rate ses casse-gueule, t'as les groupes de la TC. J'pense à Versus et So. Ils sont capables de te froisser si tu craches sur la vertu des nôtres. Et si tu parles sur ma tête, MXD. Comme ça, c'est dit. Rap de bâtiment, Osmania est pauvre. C'est cru, c'est mal, sans c'est beau. Ça sent les acédiques, les plats d'Afrique de l'Est. Barbar, ma clip te laisse sur le sol avec des tapes. Après un traquenard sur ma vie, j'te baise. Tu connais le guest, la rue de la chapelle au soir, les on. Toi, tu parles, t'as réon dit sur mes cheveux qui poussent. Mais quand je rappe, j'goume un paquet de cons. T'as souvent pas m'avoir vu, tu nous feras croire que dans le rap, bah t'as des sosies. Le gardien. Seul vrai, vrai thème du projet. Soul Children à la prod. Ferme les yeux, sauf si t'écoutes ça au volant, ma mène. Le gardien se travestit quand il s'occupe des habitants de l'immeuble. Il met des robes et se maquille, joue avec des barbies. Je te jure qu'il est bizarre, mais c'est un homme. Quand il monte les courses de maman, des potes à moi, l'euro est cool, c'est navrant. Les voisins étaient descendus dans le hall, avaient entendu le bordel et l'entendaient crier. Hey, qu'est-ce que tu vas faire, tu con? Ouais, Paul, je te vois. Il avait honte et les larmes aux yeux sous sa perruque blonde. Autant de violence pour quelques bruits, quelques remarques et une sacrée différence qui gêne pas les voisins, non. Mais dans l'immeuble divise les gens, y'a ceux indifférents et ils lui parlent pas. Sauf quand y'a plus de lumière dans le couloir, ils persistent à croire qu'ils se changent pas le soir. Au fond, ils savent qu'il aime porter ses jupes, ses rouges à lèvres, mais pour pas foutre la merde, il se transforme en ce qu'il devrait être, un homme pour plaire à ceux qui votent à droite. Petit couple raciste avec un fils qui écoute du rap, qui parle mal de la vie, tout aussi con que les deux jumeaux d'Aïda. Ouais, elle c'est la Turquie qui habite au premier, ces petits trenders. Parce que leur appart donne vue sur un type qui pourrait crever chaque jour que Dieu fait. Un clochard qu'a vendu sa mère pour une bouteille de rouge. Il lui faudrait deux béquilles remplies d'amour pour qu'il puisse tenir debout. Y'a que le gardien qui l'apprécie de temps en temps et le nourrit. Et ça, ouais, ça plaît pas à tout le monde. Ça fait un mois que je l'ai pas vu, mais quand il reviendra, ça sera pour de bon. De toute façon, il a que le gardien qu'on appelle la petite de blond. Ancien footballeur découpe sur ses terre. Chez mes potes, je m'en fous, chez lui, ça montre qu'il est tout sauf réfractaire. Homme sensible, mais femme à caractère. Big up à Soul Children. L'homme est gardien et la femme est passagère. Il se fait livrer des légumes par un agriculteur d'Île-de-France. À défaut de recevoir des insultes vides de sens, il se comprend pas lui-même, a l'impression d'être malade. A besoin d'affection, pas de ses amants, les traînes savates. Paradoxalement, je crois qu'il avait la haine contre l'amour, mais on le saura jamais, il a plongé du haut de la tour. 1-1-1, à l'abri dans les bacs, depuis le 19 mai, pour 8 euros. C'est pour ma petite Russ, Anissa, Sam, Max Do. Puis on laisse parler la musique. C'est la nocturne et c'est Giorgio au contrôle avec un extrait du EP justement à l'abri à l'instant. Ouais. C'est le gardien. Le gardien. T'as vu le nombre de messages pour le gardien, il plaît dans ce morceau. Hein. Ouais, grave. Plein de gens qui ont envoyé. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on est deuxième entêté. Ouais, ça défonce. Giorgio sur Skyrock, le hashtag, vous envoyez, vous balancez plein de messages. Beaucoup de gens qui demandent aussi s'il y a des concerts de prévus pour toi, Giorgio. Bah ouais, là, on va faire une tournée en automne un peu partout en France. Et puis, il y a le Divan du Monde à Paris le 8 novembre. Donc là, ça va être vraiment une folie ultime. 8 novembre, Divan du Monde à Paris. Les places déjà en vente? Ouais, déjà en vente à la Fnac partout. Donc allez procurer les places. Sinon t'as fait aussi première partie de Fauve quelques fois, t'as fait ouais, quelques... J'ai fait leur session de Bataclan en février. Puis je venais quand je pouvais sur leur Bataclan rapper notre morceau qu'on a fait ensemble, Voyou, sur les autres quoi. Ouais, parce que t'es aussi ouais, présent sur leur projet. Ouais. Et bah, ça marche bien, tout va bien. Bah ouais, ça, on se porte bien. On est à l'abri hein. À l'abri pour l'instant. Ouais, pour l'instant grave. Le EP est dans les bacs, on peut le télécharger tout de suite hein, si vous voulez y aller. Allez-y, allez cliquer, récupérer à l'abri. Ouais. 8 bons morceaux, vous allez pas être déçus avec Giorgio. On part pour une nouvelle session avant de passer au live. Bah vas-y carrément hein. Une dernière session, on va commencer par un morceau qui s'appelle Énigme. Parce que la vie est une putain de question sans réponse. Allez, coup d'envoi. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Énigme, produit par Altarba. Approche. Et écoute cette histoire. À l'abri dans les bacs. Écoute ça. Après ça va perdre à Salle, 75e 16, Bénil Bruni, Funky Flav, la famille. Wachen Krouma, on dit quoi? Tandis que je dodelinais la tête, somnolent presque, soudain se vit un malheur, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela sonne et rien ne plus. Continuez à envoyer vos messages, Giorgio sur Skyrock, ça fait plaisir les miens. La famille! En attendant le premier album, je rappe que des questions sans réponse. Ouais, j'ai pas de bif, fais attention au crédit que je m'accorde chaque nuit. Et l'aventure d'une nouvelle énigme, de nouvelles certitudes aussi belles qu'une poupée de la rue d'Ascot. Une seule a volé mon cœur, mais c'est des pirates fausseurs. J'imagine que ça sera pire, les frères, quand on vivra nos œuvres. Mais c'est la vie, c'est pas un film, attiré par tout ce qui brille. Je déprime comme Fuzati et ton appart, ça vient le virage d'Auteuil. On fout le bordel avec mes potes, on saoule. Et on refait le monde en 2-3 textes, arrête, j'ai pas changé. Juste maintenant, je vole à la cause, plus hard de la veine, ma mène. Et je garde de quoi manger, je te l'ai déjà dit, je suis pas l'ami du maire, ni à l'abri d'une crasse. Non. Qui me ferait prendre un aller sans retour sur un Paris-Bruxelles. Avec mes bulles d'air, je continue la marche pour aller je ne sais où, condamné à devenir vieux et con puisque je suis jeune et fou. J'avais rien prévu d'autre pour mon samedi soir que d'écrire un texte. J'ai des énigmes à résoudre, des singes à faire. Je sais que je me disperse trop facilement, marre de rappeler la tristesse pour tous les bâtiments. J'avais rien prévu d'autre pour mon samedi soir que d'écrire un texte. J'ai des énigmes à résoudre, des singes à faire. Je sais que je me disperse trop facilement. Tristesse pour tous les bâtiments. Mike et souci, on prend les mêmes or comment. Je suis vert d'orage, loin d'être une perle rare. On se tape tout près de l'épicerie. Bah ouais, je comptais pas vraiment bouger de là en fait. J'ai toujours pas le permis et je reste bouffé par l'anxiété. Combien de fois je me suis vu arrêter le rap avec ma vie tous les jours et le quartier, y'a un grand écart, mais je peux pas planter flave. Alors j'écris mes sentiments sur fait, je décris les sirènes d'ambulance. J'ai laissé beaucoup trop de moi sur skate pour mourir en silence. J'ai laissé beaucoup trop de ma vie. Paradoxe, je parlais de suicide, je pense pense à celles sans qui je serais pas là. Pour qui chien malgré mes balafres. J'habite un quartier de chiens où les anciens sont tous en galère. De pas se calmer, ils font avec ça. Trompe les douanes, vendent des fausses cigarettes. La routine et les petites galères. Chaque jour ils affrontent l'état en fait. En ce moment j'ai plus de portable. Ouais mais je suis pas tout le temps seul, non. Mais plus le temps passe, plus je laisse les putains de deuil. J'ai vu d'autres pour mon samedi soir que d'écrire un texte. J'ai des énigmes à résoudre, des singes à faire. Je sais que je me disperse trop facilement. Marre de rapper la tristesse. MXD, PNC. J'avais rien prévu d'autre pour mon samedi soir que d'écrire un texte. J'ai des énigmes à résoudre, des singeries à faire. Je sais que je me disperse trop facilement. Marre de rapper la tristesse pour tous les bâtiments. Je sais que ça fait mal quand les coupes se dégradent. Mais vas-y roule, accélère mon pote, roule avant que nos routes se séparent. Y'a peut-être du bien dans tout ça. Si j'avais été droit, je serais pas de bon écrire. Attends, si je rentre en train, c'est pénal. Je compte toutes les pièces, lâcher au taxi fun. Appeler l'étranger ou les amis proches. Laisse-moi compter l'espoir dans la cage aux folles. Les sentiments se travestissent, mélangeant rap et bille. J'arrive à fuir face au penchant de la belle vie. Et vas-y coupe la prod. Depuis le collège que toi les assistantes sociales et les psychologues. Là je suis un bout, la vie elle est trop noire. Alors j'en fous de ma mère que le public rie pour entière. J'habille Nkrouma. J'ai plutôt pour mon samedi soir que d'écrire un texte. Et vous êtes trois demandés des dédicaces les frères. Dédicaces à tous ceux qui envoient des tweets, des SMS, tout ça. Rappelle la tristesse pour tous les bâtiments. J'avais rien prévu. Malabdi sur Sky. J'ai des énigmes à résoudre, des singeries à faire. Je sais que je me disperse trop facilement. Marre de rapper la tristesse pour tous les bâtiments. 1. Encore Jabi à la prod. Ramp up. Pour ceux qui sont dans les cornes mais qui mettent des bons coups droits quand il faut. Mahabou Jabi à la prod. Traîner avec des gens sans opinion, ça flatte l'orgueil. Un regard, une critique et tu deviens vite ce schlac qui parle tout seul. Dessine le monde petit. Et adoucit les traits de la vie quand on lit l'avenir dans des mains. Mais que des lignes racontent des douleurs. Traverser des hivers doux puis des rivières pourpres. Suis tes rêves, suis tes fidèles troupes. Je te parle de ceux que t'appelles frères. Ceux qui t'aident à combattre tes idées troubles. Ceux qui sont dans ton navire quand ce sera ton heure de niquer tout. Fini le moral qui fait des vagues. Tu deviens un homme, plus le connard qui fait des blagues. C'est archaïque, tes lions protègent ta lionne. Et tu te feras apprécier des femmes. Quelques conseils de proches entre deux pintes de bière. Pas une fontaine de rhum. On vit avec un anaconda autour du cou. Viens dans ma jungle mais fais pas ton martien. Cherche pas l'amour, il est au fond du gouffre. Les oreilles saines ont ta musique, les cris, les petites emmerdes. Et moi je m'enferme dans toutes les crises existentielles. Et vivre en vrai, c'est accepter de mourir. Mais je vais pas m'étouffer avec tes chrysanthèmes. J'ai appris seul, c'est la paresse qui m'enseigne la survie. Je veux pas rentrer dans les normes ni rester là dos ivre. Anonyme donc adorable, mais je deviens cet homme contaminé par la folie. Appauvri sous son anorak et le jugement des gens s'atrophie. Et c'est pas normal, elle est pas belle la blonde si avec un noir. Donc tu monteras pas dans le même wagon. On marche en bande comme Adidas, mais on est plus que trois à Paris. C'est les vitrines qui prouvent que la ville te marque. Évite-moi s'il te plaît, ville de merde. Des fiches de paye dans des salles délire. Claquer des billets dans des taxi de nuit. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes malheurs. Que t'aies un cœur ou pas sous le débardeur. Que t'as beau être sous les pardieux et peut te sauver le jour où une salope te fait goûter le taser. Oui le monde est un visage qui pleure. Des cheveux en nuages et des yeux en arc-en-ciel. On s'appelle frère pour quelques grammes. L'amitié doit être soldable en fait. C'est pas pour autant que t'achèteras la confiance d'un atoll. C'est pas la fée carabosse. Mais je fais glacer le sang de ma daronne. Bref ça vend du mauvais shit. Laisse passer tant que ça importe. Jusqu'à ce qu'un toc déçu tu te ramène les keufs à ça ta porte. Jusqu'à ta mère déçue de mettre à la porte. Dans la peau d'un SDF. Le temps d'une nuit d'un appel chez un pote. Big up à Quentin pour le refrain. Son essence y'a trop de morts. Peu importe si l'avenir est un fake ou si la vie est un test. On combat la routine avec le rope d'or. Rope d'or. Reste dans les cordes en attendant la brèche. Y'a trop de naissance, y'a trop de morts. Vas-y, enchaîne ça. Si l'avenir est infect, si la vie est infecte. On combat le morceau en entier sur le P. Vas-y, scratch, rooster. Vas-y, scratch, ma mère. Prenez des mecs jaloux, des coupes pas nettes. La tour de putain de Babel. Y'a beaucoup de barrières. J'aurais jamais dû prendre maman pour la reine. Parce que papa, c'était vrai. Toujours l'enfoiré de marabout à la brode. Jabi. De la tour de Babel, les tourments. Embrasse mes nuits à stagner dans nos halls. Là c'est vice, pire qu'un père caressé par l'espoir de gagner au loto. Plus de chances de scratch en moto, de faire un accident de tes max. Trop penser à sa vie assis dans ses larmes. On aimerait bien s'épanouir en intérim, penser à rien. Pédaler sur un vélib, tu sais où je me vois, près du canal Saint-Martin, dans un parc, à m'étaler sur la belle vie, et ma foi c'est pas tout rose hier. J'étais au parloir, ça s'efface pas de ma tête, mon pote se rassurait, me parlait du destin du prince de Machiavel. Il arrivait pas à s'empêcher de pleurer, me dit que tous les scans, il m'a demandé est-ce possible de faire marche arrière. Et c'est pas facile quand tu sors pas de ta tanière. Paris est mon asile, y'a pas la mer mais des cascades de Jack Daniel. Faut chercher un sens à la vie, dans la tour de Babel. Tu cours à ta perte, retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir c'est ses potes et ses armes. Prendre ses clopes et des claques, sortir dehors et c'est le drame. Si t'as pas cherché un sens à la vie dans la tour de Babel, tu cours à ta perte. Retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir ses potes et ses armes. Prendre ses clopes et des claques, sortir Nader dehors à Avignon. Et c'est le drame. Si t'as pas ton appart avec ta femme et tes gosses, mais si t'as pas travail ni passion, quoi faire rêver tes proches. Ouais, si t'as pas l'espoir d'ambition, tu crèves avec tes potes. Et ton quartier, si t'as pas d'idée, ouais, pour tout quitter. Faire les choses carrées pour faire tourner la terre ronde. Dans mon monde, pour la souffler la bête, t'as bourré la belle blonde. Et c'est presque pareil dans un bar hôtesse de Pigalle. Ça, c'est quand les hommes mariés voient le signe devenir une migale. 10 ans après avoir caché le buff sous ton lit avec un chasse et une balance de bijoutiers. Une avalanche de vie troublée. Des mecs qui bétonnent, des mecs qui sortent, des mecs qui se refont. Des mecs devenus des sales tympans qui lavent tes petits souliers. Faut chercher un sens à la vie dans la tour de Babel. Tu cours à ta perte, retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir ses potes et ses armes, prendre ses clopes et des claques, sortir dehors et ses drames. Si t'as pas cherché un sens à la vie dans la tour de Babel, tu cours à ta perte, retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir ses potes et ses armes, prendre ses clopes et des claques, sortir dehors et ses drames. Si t'as pas ma chance avec les dames, je me sens coupable dans l'échec. Pour me sauver, c'est pas possible. Je suis un coup de chasse dans le désert. Se mettre ensemble jusqu'à ce qu'on se déteste. Je la connais depuis lycée, c'est magique, pareil, c'est Poudlard, si tu préfères. Je comprends pas toi, tu parles avec ta vie d'artiste. Arracher de sac et faire le puce, pas passer le bac, j'aime faire le dur. Acharné dans la vie de la street, tu prends du plomb dans l'aile ou du plomb dans la tête. Mais tes menaces ne marchent pas, t'es pire qu'une bombe dans la mer. Dans le bien ou dans le mal, on grimpe comme le cours de l'euro. On fait les sourds d'oreilles en sortie de garda. Ouais, tu remets tes lacets et tu renfiles tes rêves. Loin des villas de soucis, proche des taudis de la maille. On touche le bois d'Ikea, on se doit de sauver les meubles. Paraît que la vie c'est hard, du gosse c'est le boss. Depuis, je m'habille plus comme un misérable. Les montagnes se rencontrent pas, on est loin d'en être sur ma tour de Babel. En fait, j'ai vu un nazi jacquer avec un genou de Barbès. J'ai un sens à la vie dans la tour de Babel. Tu cours à ta perte, retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir ses potes et ses armes, prendre ses clopes et les claques, sortir dehors et c'est le drame. Si t'as pas cherché un sens à la vie dans la tour de Babel, tu cours à ta perte, retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir ses potes et ses armes, prendre ses clopes et les claques, sortir dehors et c'est le drame. Si t'as pas, on se met à l'abri avec ta femme et tes Sheldon, si Jabi, Limsa, Kadhaf, FA2Z, Sanka, Nepal. Et ton quartier, si t'as pas d'idée, on kiffe là. M'amène Doom, Benny Bruni, si t'as pas. Travail ni passion, quoi faire rêver tes proches. Mais si t'as pas l'espoir d'ambition, tu crèves avec tes votes. Et ton quartier, si t'as pas d'idée, ouais, pour te quitter. Sing Slave. La Nocturne avec Giorgio, ouais. Contrôle à l'abri, le EP qui est dans les bacs, qui est téléchargé, qui est en téléchargement légal aussi. Un grand merci à tous les esclaves qui nous écoutent. Ah, monsieur Doom. Doomams. Doomams. De l'entourage qui est de retour. Ouais. Masterchef Noon. J'ai vu Funky Flav dans le coin aussi. Ouais, on est venu en famille en fait. Bon, vous êtes prêts pour le live maintenant? Ouais, grave. Tu nous as dit un gros live, donc gros, je vous laisse live. Faire 75e session avec toi. C'est ça même. Quand vous voulez, messieurs, c'est parti. Session live avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. Vous balancez les messages. Le EP à l'abri est dans les bacs. C'est sur Skyrock 41759 pour ceux qui ont les SMS. Ça arrive direct dans le studio. Coup d'envoi du live. Let's go. Let's go, Rooster. Eh, eh, eh. Celle-ci, c'est pour mon frère Mamoutou, enfermé à mots. Gire. Yeah. Mm-hmm. Pour tous les refs au placard, tous ceux qui vont cantiner le CD. Fresnes, Nanterre, Fleury, Villepinte. La santé, eh, check frérot, eh. Anissa m'a appris ta peine de placard. J'ai pensé au maire, au parloir, au frère que t'étais pour moi quand on était de la graine de Lascar. Ça fait 3 jours j'essaie d'écrire, mais trop de souvenirs m'envahissent. Qui aurait pensé pour parler? Je rappelle d'une radio dans Paris. Je t'imagine seul dans ta cellule. La peur de l'inconnu à la maison de ton père gueule, ça doit être dur. T'as vu comment nos chemins se sont séparés? Je me rappelle des après-mêmes avec Momo ou Ala Zedar et les soirées sur les champs. Avec 10 ans en guise de nouvelle année, j'étais de nos manques de liens. Je suis comme un solitaire en apnée. Première garde-à-vue, j'ai écrit Giorgio sur le banc. La deuxième avec mon sang, j'ai laissé police nique ton père, c'est con. Y'a que les rêves qui s'évadent en prison. La juge survole ton dossier, je vais faire la même avec un hélicoptère. 1-1-1, j'espère que tu m'entends frérot. Eh hey, gros, eh, hey, hey. Eh. Mamoutou, bloqué dans ta cellule. Moi je pense à toi, j'ai pas de vif pour les mandats. Mais t'inquiète pas mon refrain. Si j'en ai, je t'en donne, tiens bon. Encore un roi sans couronne face aux aléas d'une vie qui nous a niqué. Et bloqué dans ta cellule. Nous on pense à toi, y'a pas de vif pour les mandats. Mais t'inquiète pas enfoiré. Si j'en ai, je t'en donne, tiens bon. Encore un roi sans couronne frérot. Hey. J'espère que tu mens pas, que t'as rien fait dans cette histoire de merde. Je vais voir mes potes au-dessus de moi. Bientôt je te transforme en pirate de l'air. Tes textos sont rassurants, forcément tu te trives pas trop. Tu te rappelles à 15 ans ans, tu rappais que shoot était paro. Galère route, on était tous des patrons jusqu'à ce que Denzo nous trahisse. Nous qui charbonnions pour le rap et pour le rallye. Tu t'en rappelles les crêpes de la mer? Ouais, de Hass Night Karim au Moulin Neuf avec Gum Gum et toute la clique. On découvrait la vie avec nos galères d'argent de famille et puis restait l'amitié. Je me rappelle taille vote volée. Qu'est-ce qu'on faisait la pitié? On passait des nuits dans des gares, des chichas dans des caves. Vite playbar, on était tous en l'air gars. L'amour c'était pas pour nous jusqu'à ce que je rencontre Salomé. Tu me vannais, tu disais futur riche. Que pour mon mariage, bah tu sortirais une féfé. Et aujourd'hui, on veut juste que tu sortes, enfoiré. Ouais, Mamoutou, bloqué dans ta cellule. Moi, je pense à toi, j'ai pas de vif pour les mandats. Mais t'inquiète pas, mon refrain. Si j'en ai, je t'en donne, tiens bon. Encore un roi sans couronne face aux aléas d'une vie qui nous a niqué. Et bloqué dans ta cellule, nous on pense à toi. Y'a pas de vif pour les mandats, mais t'inquiète pas, enfoiré. Si j'en ai, je t'en donne, tiens bon. Encore un roi sans couronne face aux aléas d'une vie qui nous a niqué. Ouais, ouais. Tous les frères enfermés. À l'abri, dans les bagues, grand disponible. Les pécho ça, y'a aussi le projet de Sheldon. Fréquence sombre, sort le 15 juin, en téléchargement. Les projets de Limsa, Two Things qui devraient suivre 2014-2015, 75-2016. Dealer Népal. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un. Ça fait. Check. Ya. Ya. Qui compare de l'argent suisse se fera fisquer par un agent suisse. Suisse, y'a de la peuf raciste, les dents, la marchandise. Qui se dit, c'est que les salamins sont dits. Sans parler de larmes, ni d'alarmes, ni d'alarmes. D'ailleurs, cela va sans dire. Tout ce qui est beau dans un rôle d'acteur à 20 centimes. Ou sous mes docks dans un mot où Naster à rien sortir. Chacun pour soi, tous pourris à la main de fort. Les techniciens sournois et les bourrins avec un monoflow. Qui rentre dans le rythme du sujet avec un molotov. Mais t'es pas prêt de revoir Tito le jour où il gagne le dos. Bref, j'ai pas compris de quoi il s'agit. C'est énigmatique, ici Freezer finira par ouais, s'agir. Genre c'est qu'il a à lui, c'est pas les yeux que vous vous êtes. Et si c'est pas la même, dis-toi que je suis Renault avec des deux de bref. Des barres, quand tu les entends qui sont braves. Laissons les traves, j'accassais dans la peubar qu'ils ont hâte. Et quand je galérais, je voulais m'arrêter, m'aérer. J'ai passé des heures aérées, moi je n'attendais que la récré. Toujours avéré, à rêver ou à foutre le spell. Flairer les points sensibles du prof pour qu'ils prennent le seum. Des bahus j'en ai fait, en effet, je me suis enlisé, embêté. Je faisais qu'embêter, embêter tous ces fonctionnaires. Je voulais éniter et piétiner le système scolaire. Dès la primaire, j'emmerdais déjà leur questionnaire. Donc j'ai défié, dérivé sans le décider. Je périssais les sanctions affilées, défilées. On m'a assigné à l'idée que j'étais fou. Et pris de bipolarité, je voulais des sous. Je les voyais pas dans la scolarité, déçu du coup. À l'école, et bah j'ai tout niqué avec ma team. De Rebe Wolof et Soniqué, brochette de cassos. Consultamment au piqué, l'école je la veux à ma sauce. Mais je sais pas cuisiner. C'est sa compagnie, dis pas contre la mise. Quand ça rappe ça. Allemand, tu sais que ça contamine. Sûr de nous, t'y crois pas, Renoir, on la mise. On a déjà nos emmerdes, donc y'a pas de jeu compatible. Effectivement, je pique pas plus quand ça m'arrange. Je rappe, je taffe pas. Je me plains de me prendre des tas d'amandes. Le calme annonce la tempête, c'était le prémisse de l'avalanche. Je me revois au bord du vide, la soirée au front, les bras ballants. Y'en a qu'on glissé en cavalant, d'autres qu'on suçait en avalant. Les gars sont discrets, disfrais, mais parle rarement. Si je fais le bilan de nos actes, à part les flammes de l'enfer, tu crois qu'il y a quoi qui nous attend. Je continue, mais je veux plus supporter vos mères. Me dis pas de la fermer, t'as mis de la bière dans le verre. Laisse-moi être ivre en fait. Déroulement des choses me pousse à vivre en vie dans le stress. Alors la zig m'enferme dans un cercle vicieux qui arrive à me foutre toute ma mise en peine. Ainsi soit-il, je t'emmerde. Je m'efforce de croire que je serai bien loin d'ici dans 10 ans. Je cours Paris avec mon gun. Ça fait 7, 5, 16. Je cours Paris avec mon gun. Ça fait 7, 5, 16. Je cours Paris avec mon gun. Ça fait 7, 5, 16. Je cours Paris avec mon gun. Ça fait 7, 5, 16. Écoute les vaisseaux que j'ai. Sheldon. Et je viens récupérer mon cul un peu comme si j'étais un trésorier. C'est pas que tu peux pas le faire. Non, c'est que t'es trop léger. J'ai jamais cru en toi. Tu dois être le Père Noël. Enclenche un vrai projet. Poster pollen pour moi et les miens. Les autres vont mettre la crème solaire. Apporte la lumière, t'as la fée clochette. Tu rêves d'être un vrai mec, mais commence déjà par être honnête. Je regarde devant pour éviter les merdes. Trop frais, je pousse toi. Tu peux prendre une plogie si t'es trop frais. Hein? On dérègle vos règles parce que c'est facile de le faire. Quand on arrive, on vous perce l'oreille. Sheldon, Sheldon. Vene Bruni, c'est pour Giorgio. Fume un spliff en ta bonne santé quand c'est censé alimenter toutes les phases en ma bonne pensée. Gentiment, décris-tu, décris-moi ce mouvement. Ambiancer ces jeunes fumant de l'herbe devant cette douce France. Parmi eux, toujours un mec qui canne, connerie oblige. Abdique quand t'enchaînes la Marie-Jeanne, toujours docile. Apparemment, auparavant, j'ai arpenté les rues de Cran. Ride avec des bitches de ces meufs, j'en étais bien l'amant. Peine perdue, j'ai bien la base de Harvey Dent. Mes réflexions sont sondées dans la haine Ken. Nos chagis comme elle, rappelant de nos belles virées. Nos nuits, j'kiffais, mes voix face à face, le jour c'est là que je virais. Du chanvre sur le champ afin de flâner quand vous m'élisez. Qualité classifiée de ma vie, faut qu'il fasse à l'idée qu'on dort le jour, la nuit, loin d'être gentil comme la petite Alizée. Ma vie est ivre de sens, j'en suis alcoolisé. Connais-tu l'équipe qu'on qualifie de team? Ingénieux, inventif, loin des mecs de ta ville. Péripétie sur mon périple, j'écris des faces terribles. On est forcé de reconnaître comme attaque de John Terry. C'est pour mon gars Giorgio. C'est pour mon gars Giorgio. C'est pour mon gars Giorgio. C'est pour mon gars Giorgio. T'as vu la Coupe du Monde, Limsa veut atteindre la finale. Que des nuits blanches, voilà la Adim, je suis matinal. On dirait de la nocturne, Limsa sort ses grosses burnes. J'attaque les grosses brunes et les latinas. T'as qu'une page, je vais assurer, ça va donner sous assurène. Car les putes, c'est comme les tons, on les préfère au naturel. T'inquiète même pas, je demande à Bruel. Je peux pas te jeter l'œil connard, car j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. T'inquiète, je vais pas lâcher, je sais que je serai jamais comme ces rappeurs de peur de mes deux. Je veux des eux, je veux des eux, on dira jamais assez. J'attends le bus magique, ça fait 10 ans qu'il doit passer. Pas de café sur la terrasse, ça bicrave la drogue par sachet. Lassé, chercher la gomme pour effacer la main tracée. Matelas scène entre keuf et carnassier. J'ai raté de mon âge d'où m'am. Par contre, Paris avec mon gang. 75ème 16. Paris avec mon gang, ça fait 75ème 16. Par contre, Paris avec mon gang, ça fait 7-5-16. Par contre, Paris avec mon gang, ça fait 7-5-16. 7-5-16, tu vois ce que je veux dire, frère? Ouais, on met la presse à toutes ces petites schmettes. C'est pour Nico et pas parti trop trop. Rien à foutre de ces putis. D'où même si roule le Jogo et les Jojo. Vissé sur les yep, c'est comme ça se passe en impro. Ça découpe, rien à foutre de cette sale tasse. Tu sais que je me déplace avec toujours quelques niaques dans la chapeau. Tu vois ce que je veux dire et lâche moi, je la casse. On est posé avec mes gars. 75ème 16, t'as compris qu'on met la pression à toutes ces petites snakes qui veulent tester mes gars. Limsa, dealer, tout était prévu comme As. Ouais, le A, Sheldon, Bourimèche. Hakid, qui est ça? Qui l'a lâché là? Fucking mèche, tout fini. On va me balancer ce feu. Orange peut-être, hein? Ou bleu. Police, faut jamais dire jamais. Où je suis un crâne, ni ta mère. Aïe, comme un satellite, j'attends les bacs des salles de la grammaire. Tu plaques des pâtes, des bacs, des peines de bacs, des listes. Si je m'emballe, je t'ai dit, je casse, mes rimes, puis je les casse, des licornes. Des casse de frappe, des pâtes, casse dans les phrases et des calés. Vous, vous êtes des galères, Harry, vous vendez des galettes. Nous, on s'en bat les steaks, on s'empare des steaks. Aïe, aïe, aïe. Ça nous a pris comme une envie d'aller sep. Ouais, 7-5-S-E-2-S-I-E-S pour un festin de texte. Carton, mais tu le dis dans l'intestin. Moi même serre. Moi mec je reste un je pisse sur les lits, baisse pas qu'on teste. Ta fête, pour toi le ciel t'aidera. Tu sais ce qui te reste à faire. Ta fête, baisse, ta fête. Un motherfucking bad. J'explique pas c'est quoi les bas, c'est que j'en perds la tête. Two things. Un, pris dans les packs. Eh, chiller, check, check. Putain un peu comment ça, F, enfoiré. Eh. Sors de ma douche, mes mères. Ouais, c'est trop nocif. L'haine que j'ai quand je sors d'une douche froide. Alléluia. Quand certains se plaignent de leur maman au ciel, nous on le fait pour des chauffages vides. Alors j'ai que des couplets crades comme la bouche de la plus belle femme qui suce une pute pour une dose de crack cachée au fond d'un survêt Nike. Mais que fait la police? Je me le demande et je vois les petits du Tchekar qui s'alcoolisent, qui arrachent ton sac. Comme on aurait pu le faire en classe de 4ème pour ces bulles, ouais, qu'on rêvait d'avoir en bas d'une barre d'immeuble. Les cheveux aussi courts que le dessin d'Amza. Qu'est-ce qu'on a pu lâcher des larmes et des vrais quand on était seul? Pendant que les salopes qui baisaient parlaient que de lui, de leur pseudo MSN. Y'a des soirs où j'ai pensé à partir. Ma mère comprenait pas ma souffrance. Alors souvent, ouais, je me vengeais dans la nuit. On se casse la voix en guise de SOS. Le chétan a niqué mes valeurs familiales. Et je me dis que ça ira, que pour l'instant faut faire avec. J'suis dû jeter mes rêves comme mes arbitrages dans une rue sombre de Stalingrad, où l'amour et la passion n'ont jamais montré le bout du nez. Car l'argent fait pas de bonheur, mais pas de bonheur sans foutu blé. Toujours les mêmes dictons qui nous monte à la tête. Ouais, c'est triste, Marcaille. Si à 20 ans t'as toujours des envies de braquage. Crois-moi, c'est pas pour faire des soupes, mes frères, manie la terre. J'arrive à me taire quand les cons parlent. Alors nique ta mère, mon frère. On s'entend dans nos dialectes, grâce à nous, avec mort de bas années. Ouais. En fait, la fumée, c'est comme le linge, c'est par la fenêtre. Faut pas que ça sente. Ouais, la drogue chez la matrie, à cause mes sauces machantes. Elle poulave dans la galère. Alors avec ma tante, on se comprend pas. Mon avenir, c'est l'accent de la gardienne. Je vais pour Paris avec mon gun. Ça fait 7-5-7. Je vais pour Skyrock avec mon gun. 7-5-7. Je vais pour Paris avec mon gang. 7-5-7. Je vais pour Skyrock avec mon gang, ouais, ouais. 7-5-7. Excusez-moi, y'a. Bon, hein, yeah. Sheldon, dans mon Queensbridge parisien. Ici, on file vite. Vesquitar les magiciens, sur la piwi sale cycliste. J'ai ouï dire que tu ne cuisines pas si bien. Pareil que ce que tu fais c'est naze, bah, pourquoi tu cries bitch? On a les cartes, on a les cris. C'est mieux que tu te suicides. Bah, t'es comme une fin de j'ai pas besoin de fumer, j't'écrase. Écoute le pistolet verbal. Et si ça gicle trop, c'est qu'on vise vos derrière. Oui, fiche, j'ai mes dead bras. Mais j'ai pas de fils, non. Alors j'nique trop cette herbe basse. Oui, si tu puises nos réserves, voilà. Oui, cheat, whisky. Si c'est la crise, on s'énerve. J'puise ton Beretta, il est vide. Tu veux qu'on se tape, hein, mais t'as pas les chiffres à Vegeta. Aïe, les chiffres à Vegeta. Personne ne reprend, moi je fume la Vegeta. Reste là, reste calme. Yo, avec mes lézariens, tu sais que 5 man sur Watt vont te mettre des doigts. Dealer, Limsa, comment ça se passe? Tu sais qu'on kiffe grave. Donc c'est pour George, alias Yuki Yuk. Rien à foutre de Yu-Gi-Oh, on est posé. Tu sais que c'est chaud dans le rôle. On roule, toutes sortes de cônes. Rien à foutre de ces salopes qui veulent le trône. Smoke, un peu de cette douce herbe. F2Z, la toxique, et ça m'amène. Parfois j'ai de gravité. Lâcher les manettes, quitter la planète, ma réalité. Inverser la gravité, de me faire du mal, il faut que j'arrête. J'ai vu toutes sortes de cavités. Charbonneur requalifié, le bonheur serait inaccessible si je mettais pas de carité. Au fond, ça m'indiffère, petit snare, de air de qualité. J'ai observé l'humanité, petit frère, tu peux t'y faire, mais ne compte pas sur la charité. La vie, une grosse boule de merde que l'on t'a praliné. Nos existences ont peu de goût, nous continuons de mariner. J'ai pas besoin d'être russe pour jouer du barillet. Je veux pas le minimum, je veux plus, beaucoup plus que la parité. Je ne suis qu'un homme avec des défauts, des qualités. La métier c'est comme le pétrole, l'avenir va le rarifier. Je pars au Panama avec mon gant. Je pars au Panama avec mon gant. Sanga, sanga. Écoute, j'ai jamais été le premier de ma bande, mais faut très crever l'abcès maintenant que je sais que tu seras toujours absent. Pourtant t'as trop de choses à m'apprendre. Toutes ces ambiances de merde, parce que je t'avoue que j'ai le seum. Je me rappelle pas d'avoir un cri du cœur qui pose des questions alarmantes. Pendant que me disent ouais, fiston t'as de la chance. Moi j'y crois pas, je me vois là-bas, j'ai choisi shit, ma sachant. Bien avant que je quitte dans ma chambre, ok. Avant que ça commence, j'avais déjà rien à faire. Et maintenant que ça commence, bah mec, j'ai rien à perdre. C'est comme ça que ça se passe. Là où on traîne, là où on se perd. Dans le dégoût de la vie qu'on mène, celle où on stresse. Mais c'est pas la fin qui m'anime, en fait j'en sais rien. On a frotté le train de life, bel exiler, il arrive. Même si t'as pas peur, il t'aligne. Y'a pas à dire son taf, il fait bien. On l'a cramé comme le retour à la rive. Béni pour ni pour Giorgio. Yo. Mon passe-temps n'est pas un gagne-pain. Pas de gain ni de perte. Ce sont le fric en dehors de ça. Et les blêmes au même endroit. L'aubaine est dans le coin. Béniguette, pas besoin. Bénissez vos EP avant l'arrivée du vrai Dora. J'ai bousillé mes pads et mes poumons proches sur club. Club sur toutes les touches de mon clavier midi à les jours. La patience avec passion. Repassons au détail. Saison hivernale ressassée par les vibrations des tracks. Pour mon gars Giorgio, fais du bruit. Mon gars Giorgio, fais du bruit. Mon gars Giorgio. De rigueur quand on s'initie au taf. Chez nous, le travail se consomme peu car on minimise au max. Ça va s'éroter au large de vos côtes. Entre autres, pouvoir barouder, faire de la maille à tous vos autres belles bananes. Pendant la pause, on note nos textes. Panama, on se pavane au large du quai. Quand se va, on vend du rêve, n'est-ce pas? Le solde en devient négatif, j'assais les intérims en mode spam. Ingénieux, si je pouvais être payé pour réfléchir au gré, ce serait deux fois mieux que de réfléchir au blé que je gagne. On force avec des travaux différents. En fait, la part. Chose, le rap nous va si bien, c'est évident. Fais du bruit pour mon gars Giorgio. Fais du bruit pour mon gars Giorgio. Fais du bruit pour mon gars Giorgio. On dit quoi, mais ça fait aller comme ça. L'invest qui les putes, l'écoute, ça va. Tu ne pas, ça va péter entre les deux tours comme Oussama. 7-5-16 dans tout Paname. On n'a pas sommeil. S'il y a des montagnes d'oseille, l'IMSA est chaud pour l'escalade. Veux sentir, bon baveux, costard pour pas en cuir. Mes potes sont pas riches, poteau, y'a que 10 loups un compte en Suisse. Ma vie, c'est une luche sans neige. Tu sais qu'on s'en fiche, car l'État nous suce quand même. C'est des bons vampires dans ce monde empire. Je vois que la chance, c'est la chance de l'argent. Je veux la serrer. vrai c'est navrant, mais cette touffe là c'est consanguine. Et tu vois que mes gus défilent, chez toi y'a plein de bouchons. Moi je suis comme Alain Souchon, je suis posté sous les jupes, j'ai fui. Je termine en impro, demande à Doulham. FN, on sera toujours Bougnou, les bambous là. Donc là c'est à l'abri, wesh la famille. Sans oublier là l'album de l'entourage. Jabi, là le gars qui débarque une fois tous les 6 du mois. Qui tu sois, te calcule pas, ouais, t'es qu'une fille du bois. Si tu vois, y'a pas M.C.U.S. pour une session. Jabi, de passion et trouve une raison d'être. Le rap est blindé de cons, t'es pas un jeu sain. Comme les plus sages, je sais, donc je suis un gestion. Destiny à gauche ou les yans, yans, propage la chose. Respect mon rap, on embrasse la chose. C'est voir, sorti du fond du cœur. Je pense que je suis le conducteur quand je vois des petites conducteurs. Je suis le conducteur, je suis pas mon difficile. Je suis loin du déficit, mais j'anticipe son odeur. En roue libre, on est deux. Bénèque ton essieu. Avec le miel dans les yeux. J'ai un poteau dans les cieux. Les autres sur le qui-vive. Ça tombe pas rond. Aujourd'hui Goliath porte l'étoile de David. Les MC Peps, c'est ce font des doggy bags avec les poils de ta bite. Ils utilisent la créatine à des fins récréatives. Non pas les textes, loin d'avoir la balistique qui vient des States. Comme un poisson d'avril parmi les squats de la ville. Pas de respect, tout dans le crâne. Ride ça comme à l'esbête. ABC, Carpe Diem, Vaitra ou bien l'esbête. Tu préfères Rodavin, Boulou, le trajet du convoi des States. Suis-je un vote informaté, condamné à échouer. Sur les rivages de la vie, grave tant d'années à écouter. Tous ces frangins prisonniers, loin de ces clans pas pistonnés. Pour des digrammes, toutes ces petites cartes m'auront volontiers donné. Leur âme, nerf, contre une dose de plus. Encore un los de sûr. Suis-je un vendeur de mort ou juste un gosse de rue? Alias le glandeur dehors ou juste un cop dessus. Faut que je lutte. Suis-je un aristocrate, quoi? Un fasciste black, quoi? Un hippie dans les Six-Ins ou un marine Mossad? Probable. Comme croiser Marine au hall. Loin de Biggie dans la city, j'observe l'avenir au large. J'ai vu que LM de m'avoir sauvé son texte. Qui va reprendre ça? Qui va couper des têtes? Un peu comment on fait, dans les bacs, check. À l'abri, you. Père de Mike, qui soucie, on prend les mêmes morts. Comment un verre d'orage, loin d'être une perle rare. On sort tout près de l'épicerie. Bah ouais, je comptais pas vraiment bouger de l'enféfé. J'ai toujours pas le permis et je reste bouffé par l'anxiété. Combien de fois je me suis vu arrêter le rap avec ma vie tous les jours et le quartier, y'a un grand écart. Mais je peux pas planter flat. Alors j'écris mes sentiments sur feuille, je décris les sirènes d'ambulance. J'ai laissé beaucoup trop de moi sur skate pour mourir en silence. J'ai laissé beaucoup trop de ma vie. Paradoxe, je parle de suicide, je pense à celle sans qui je serais pas là. Pour qui chien malgré mes balafres. J'habite un quartier de chiens où les anciens sont tous en galère de Pascal. Et ils font avec sa trompe les doigts devant des fausses cigarettes. La routine et les petites galères. J'ai que j'ai à contre l'état en fait. En ce moment j'ai plus de portable. Ouais mais je suis pas tout le temps seul. Et plus t'en passe, plus geste et plus t'en teille. Je sais que ça fait mal quand les coupes se dégradent. Mais vas-y, roule, accélère mon pote. Roule avant que nos routes se séparent. Y'a peut-être du bien dans tout ça. Si j'avais été droit, je serais pas de poids écrit master. Si je suis en train de pécher peinard. Pour m'endormir, je compte toutes les pièces lâchées au taxiphone. On a appelé l'étranger ou les amis proches. Et l'espoir de l'espoir dans les talons. C'est mon travestisse, mélange en rappel vie. J'arrive à fuir, pas son prochain rappel vie. Et vas-y, coupe la prod. Depuis le collège, je toi que les assistantes sociales et les psychologues. Là, je suis à poule, la fille, elle est trop noire. Alors j'en fous de ma mère. Que le public crie pour en fière. Jabi et Krouma. Le public crie pour en fière. Jabi et Krouma. Le public crie pour en fière. 1-1-1. Si, si. Sheldon, et puis c'est baisé du début du deuxième couplet de vexé. J'écris pas des rébus mais des essais. Je vais les laisser jacter ces saletés pour m'baquer. Après m'avoir dit qu'ils me détestaient. Bref, je n'ai que du venin pour les braconniers. Je suis serein, mes gredins vont te blesser sans se rapprocher. Et ouais, je n'ai que mes deux mains, mais je deviens serait fou qui touffe ses trucs dans un sale croquet. Et ouais, tu veux un feat, fais du fitness. Tu connais la chanson, veux de la weed et une vie fraîche. Oui, j'ai du rythme et je glisse même sur du silex. Je vis de nos vies n'est en fait qu'une part du mystère. Cette somme dans les oreilles, je pète plein de réseaux. Je carte ma gueule comme un médecin sans les mots de tête. Hey, ouais, je fume ce 16 comme un pédo de Z. T'aimes pas, dégage, fais le taf. Comme un vélo serbe, 7-5 compagnie. Dis pas contre la mise. Et quand ça rappe salement, c'est que ça contamine. Sur de nous, t'y crois pas, un noir contre la mise. On a déjà nos emmerdes, donc y'a pas de jeu compagnie. On a trouvé comment te faire rap, enfoiré. On a mis trois gros. C'est l'entourage, ne parle pas de retour parce qu'on est jamais parti. T'as beau dire que tu t'en tapes, tu connais par cœur la discographie. 4 ans, un truc se passe. Dis-moi qui peut le nier, on a placé quelques frappes. Le rap français s'est remis à prier, billet. Aussitôt gagné, aussitôt réinvesti. Lâche le micro, t'es fané, tes placements sont impressifs. V6 sous le capot, DMC sous le drapeau. Objectif, rendre les foules par haut et finir tout là-haut en équipe. Et puis si ça merde, nique sa mère, j'ai d'autres affaires. Jeunes entrepreneurs, c'est pas qu'un skeut, c'est pas qu'un merde, non, c'est ma life, bébé. Je me lève le matin pour que ça le fasse. Et que demain, enfin, on ne voit plus leur sale face à la télé. Aujourd'hui, j'ai mangé, demain, je travaille. Yeah. Où ça, dans les recoins de Paname, où les gueux dans ce balade. Oui. Laisse-moi vivre un peu, ok. À Pégale, je légalise la beuh. Sans armes à feu, nos poumons d'or suffisent. Souffif, ramène ce double scotch plus vite. Tu piges, qu'on fait du bif et qu'est-ce qu'on se marre. Des bookmakers de renommée, c'est ce qu'on sera. Des jeunes entrepreneurs venant des zones agitées. S'il y a de la dope, à dealer, fuck ta moralité. On blanchit le bif dans des magasins de sap, ma caille. Tous les L en l'air, mes jeunes sont dans la place d'Avaï. Ceci, Limsa. Tu connais, j'aime pas les beurettes. Donc faut que ces poufias se m'entendent. Jack dans Aladdin, t'en verras une qui fait sur un mangeant. Y'a plus de respect entre les darons et petites espiges. Normal que les petites fesses se prennent pour suivre des pires de nos jours. Les vrais se comptent sur les doigts d'un amputé. Poto, je traîne pas au marais, mais pourtant je vois des enculés. Y'a que des bonnes en homochromie, pas de bobo qu'on lobotomise. Et quand tu braques, quand tu casses, prise de chrono monochromie. Bah ouais, ils sont grave contents quand l'arabe fait. Je suis un arabe que tu comprends pas, donc je suis un arabe frais. Les royautés fabriquées en Chine, tes mythos, faut pas qu'on y croit. Je sais plus qui est qui, comme un schizophrène devant son miroir. On plaît avec des faux, on est même habillé en falche. Même les yeux dans le dos poteau, je vois la réalité en face. Ouais, je protège les faux, comme l'OM doit être gignac. Dans mon ville, y'a que des taggers, mes soeurs mettent des protèges tibias. Oui, Limsa, Limsa, Limsa. Les routes longues, le magadam qui brûle mes groupes, madame est brûlante de mes faces, consulte un pont, funèbre route, funèbre, fume tous ces autres, mal en prose, rose, parler rap, grosse blague à haut dos, je craque, naissance d'un monstre, naissance d'un autre moi, planant dans cette pleine plaque, plaqué sur ce sol en guise, une atmosphère très platonique, homme de sens, ma route est dense, ni vu ni connu, la rue du paradis, la like parade, parade en rêvant de paradis, Vanessa paradis aussi, en parenthèse, est-ce le fait d'un fantasme dérivant sur le fait que j'aime bien la quarantaine, en quarantaine, mes fâches crachent en bandicoot, et bandit, bondit de la OG, car le roux qui vend du gros se distingue des disserts de vendeurs de paille. Le brownie c'est éclectique, un changeur de plaque dans une flanque à cogiter, là où personne m'aide. Pour ma tête côtoie le démoniaque, l'impression d'être un mec fourbe. Fais du bruit pour Giorgio. Fais du bruit pour Giorgio. Écoute un peu comment on fait, enfoiré. Check, check, sur la vie d'un petit de ma tête, on compète. Vite la caisse, je suis bloqué dans le sas. C'est au calme que l'obrique de ciment. On bloque depuis, on parle de femmes de finances. On rêve la bouche ouverte et puis on crève les yeux fermés. Mais oui, je sais qu'on a tout pour perdre, mais si je viens jouer, passez pour gagner. Je suis là dans la manche, pas temps d'attendre. C'est pour la chapelle, mais les grands dons j'avance. Que je fasse mes hippies, que je sois taxé. À l'inverse d'un revendeur de bras. Cocaïna, cocaïna, Majin Bolivie dans les lines d'assista. Elle veut que j'y touche, que je sois dans l'ambiance. Nique le star système, on m'attend. J'ai quartier en moi, comme dirait Carlito. Nique le marché de l'emploi qui me force un mytho. Arrête dans ce coin, car j'ai pas un diplôme. Je pas les jobs, j'ai des années devant moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire, c'est les lois de la street. Pas du rap game, puis je suis anarchiste. J'ai les cheveux qui poussent comme les femmes de ta meuf. Et faut putain de regard de matérialiste. Comme le secteur A, je marque mon époque. Surtout pas louper le coche. Y'a fait dans les poches, donc laisse-moi faire mon rap. C'est de la bête de frappe, c'est les marques de mes dents sur la plaquette. Un soul, j'en mon art pour ta tablette, ça me saoule. Sur Skyrock, on lâche que des couplets graves lourds. Yeah, 75ème session, on est tous à la brique. Ce foutu ballon, même si tu sais que j'ai le ballon. J'avance sur le rein, t'es fun de frapper, tu caches ta ballon. J'ai ce foutu talent, lorsque je dribble au ballon. Si pas ballon, crossover, switch de salon, range rover. Je vise le magot, la victoire sur un plateau. La vie de gloire dans un château, reste en bas à boire du paco. J'ai compris tous les mérites, j'ai fait un barreau. Tu sais que le fan est planant, le style est trop nonchalant. J'arrive dans le game, mes bras ballent trop longtemps. J'ai dû lâcher des salauds, former ma scène les SAO. Tu sais que je plais aux ados, MFAO. Oui, oui, le fan est fameux. Passe mon jump et vamos, on fait rire. Étale du bolos, pas scrupule du moment qu'on gagne. C'est qui atteint le panier. Tu sais, c'est false cette année. Dans l'actu comme les Pakistanais, tellement de rage que j'ai failli barrer. J'parcours le grand. Je suis dans l'œil de la misère. J'ai voulu loin de la vitesse, mais j'avance quand même les deux pieds dans la merde. vitesse et ça m'évite de rester solo en arrière. Laisse-moi te reposer la question. À quel moment tu comptes atterrir? Évidemment que le maître a ses pions. Oui, j'ai dit laisse-moi te reposer la question. À quel moment je suis dans le vrai? À quel moment je perds la raison? Téléphone et cartes, délicat, c'est des gosses, débiles, remis à la postérie. Ouais. Vous voulez mes patrons, y'a pas de chance. Tu veux savoir caler tes patrons, on rattrape sans compte en lui. C'est des comptes, j'aime pas compter, mais j'espère avoir fait l'avance sur lui. Ah, que fait bluff, on s'y connaît. Dieu m'a donné la foi comme le bon à je redémarre en boîte, je m'en pas en bas. Je m'en comme un paro qui rentre, t'es pas en bas. Juif, mais vous dis, c'est les cathos, les scatos. Voilà, tu dis, je dans les gâteaux. Eh, on en reparlera en partant. J'ai pas tant, comment je fais semblant d'avoir pas le temps? Du bar, on dit la va te voir si t'es un humain ou une qui est pas. Ça me donne les sous, tu neuf fois. Proto, j'ai pas besoin de répéter neuf fois. Je crois que les mêmes fois, ils pensent que l'argent fait pas le bonheur. Ouais, tu le sol entouré par des cœurs rois. Avec des types qui viennent pour niquer leur loi. Ici y'a que des ordures, ninja comme les tortues. Que des mecs tendus poteaux qui veulent des meufs droites. Brave, accroche, marre, tous ceux qu'on préfère le grand Lego. C'est tellement le fire comme mes potes. Brave, tous en train de soigner, on passe les gosses. Belle, c'est trop tard, accroche, marre. On est venu claquer toutes les fausses. Taille, on n'a pas de tout, ni même en cause. Tard, quand je parle de mal, tu sais que c'est trop frais. Pourtant, je débarque pour mes gars warriors et mes noirs. Ramadan épiné. Je le sais, la vie fait mal à mes nains, pas les podiums, mais je l'ai vu défiler. Ça, c'est le meilleur, tu peux pas négliger. J'ai un but, personne ne peut me dévier. Ah, mais pourquoi ça marche, Kinshala? Un jour le succès va nous piétiner. Donc je vois l'abri, les frérots. Ouais, on met un pro sur Skyrock, tu sais comment ça F. Bref, c'est Giorgio, tu sais que j'aime tacler les fesses. Ouais, bientôt j'arrive avec des brésiliennes. Tu sais comment ça se passe, comme ça ils tag ma oui, j'ai la haine. Comme ça tag ma oui, j'ai la haine. T'inquiète même pas, Limsa à la vessie pleine. Boum, ça a voulu me découper sans respect. C'est à ton tour, frérot, tiens, ouais, prends les faits. Ouais, je prends les faits, tu connais si bien. J'ai fait un tag à la Thiago Silva, j'en place une pour mon gars Aurélien.